Parce que quand tu es arrivé à Tréguin, il y avait déjà un tracteur, tu le dis, quand tu es arrivé. Pas tout de suite, tout le Ah non, pas temps. tout de suite. Oh, peut-être que Ouais. si, quand même. Je ne me rappelle plus. Mais enfin, c'est pratiquement. Mais ça servait que pour charruer. J'arrivais tout ça. Et puis Mais il y faire. avait le même système de culture. Il y avait des Oui, vaches, il y avait des cochons, des vaches, oui. il y avait du blé. Oui, Pommes de terre sûrement. aussi, sans doute. Oui, pommes de terre aussi, oui, Ouais. pommes de terre. Nous, on a fait, même nous, on a À Tréguin. fait pas mal de, oui, très bien, pas Sélection. mal de sélections. Ouais. Enfin, c'était presque pas notre principal, mais après l'élevage, c'était. C'était une Oui, des principales sources de ouais. revenus Oui, c'est C'est ce qui ça. Ouais. rapportait le plus, qu'est-ce qui rapportait Et en ce temps-là? ça dépendait des années. Les pommes de terre, c'était très variable. Hein. Ouais. Je sais pas, il y a des années où ça sortait très bien, Ouais. parce que ça dépendait aussi du centre de la France, là où je ne sais pas s'ils achetaient, parce Ouais. que c'est eux qui Ouais. achetaient nos plants de C'est sélection.